Dossier 3, livre page 32. Les saisons de l'année. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. En automne, il y a 3 mois. Septembre, octobre et novembre. En automne, il y a du vent et les feuilles des arbres tombent. En hiver, il y a aussi 3 mois. Décembre, janvier et février. En hiver, il fait froid, il neige. Au printemps, on a 3 mois. Mars, avril et mai. Au printemps, il y a beaucoup de fleurs. Il fait beau. En été, on a de même 3 mois. Juin, juillet et août. En été, il fait chaud car il y a du soleil.